بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في سورة لقمان في المسألة 40 بعد المئة 140 مسألة في قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة. Dans la parole d'Allah dans son sens, il dit et tiens-leur une bonne compagnie en ce bas monde, c'est-à-dire les parents. Verset 15. هذه الآية الكريمة تدل على أمر على الأمر ببر الوالدين الكافرين وقد جاءت آية أخرى يفهم من خلاف ذلك وهي قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ثم نص على دخول الآباء في هذا بقوله ولو كانوا آباءهم. Donc ce noble verset nous montre l'ordre d'être bienfaisant et d'obéir aux parents et les parents également mécréants. Et un autre verset, d'autres versets sont venus qui laissent apparaître l'opposé de cela. Dans sa parole, dans le sens où Allah dit que tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier aimer ceux qui sont opposés à Allah azawajal, ou s'allier à eux ou les aimer. Puis par la suite, dans le même verset, Allah azawajal, à la fin, il rentre en cela les pères. Dans le sens où il dit, même s'ils étaient leurs pères. Al-Mujahada à l'entretien, verset 22. Fahada ou Al-Ishkal. C'est ça qui est la problématique qui pourrait être mal comprise. Qala wa alladhi yadhharu li wallahu ta'ala a'lam annahu la mugharada min al-ayatayn. Et que ce qui m'apparaît, comme dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, et que Allah est plus savant, c'est qu'en fait il n'y a pas d'opposition entre les deux versets. قال ووجه الجمع بينهما أن المصاحبة بالمعروف أعم من المودة لأن الإنسان يمكنه إسداء المعروف لمن يوده ومن لا يوده والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم. Donc il dit comment joindre ces deux versets, tout simplement que le fait de tenir une bonne compagnie et cela est plus une chose qui est plus large que porter de l'amour. On appelle le mawadda. Car la personne, il est possible de faire du bien à quelqu'un qu'il aime, tout comme à quelqu'un qu'il n'aime pas. Donc l'interdiction d'une chose plus spécifique n'implique pas l'interdiction d'une chose qui est, elle, plus générale. Le fait qu'il interdit de les aimer n'oppose pas le fait de bien agir envers eux. كَأَنَّ اللَّهَ حَذَّرَ مِنَ الْمَوَدَّةِ الْمُشْعِرَ بِالْمَحَبَّةِ وَالْمُوَالَةِ بِالْبَاطِنِ لِجَمِيعِ الْكُفَّارِ يدخل في ذلك الآباء وغيرهم وأمر الإنسان بألا يفعل لوالديه إلا المعروف وفعل المعروف يستلزم المودة لأن المودة من أفعال القلوب لا من أفعال الجوارح. Donc Allah عز وجل, c'est comme si en fait il avait tout simplement mis en garde contre le fait de ressentir quelconque affection et amour et alliance en son intérieur, c'est-à-dire en nous, pour tous les kuffars. Et bien évidemment, quand on dit tous les koufars, cela rentre les pères et les mères qui eux sont des mécréants. Ils sont compris par cette interdiction. Et qu'il a ordonné à la personne de bien se comporter avec ses parents. Donc le fait de bien agir envers les gens, d'être bienfaisant, n'implique pas forcément l'amour. Car là, cet amour est parmi les actes du cœur. Et non parmi les actes des membres. Bien que l'amour dans le cœur ressort par les actes des membres. Mais ce qu'on appelle le mawadda, c'est le sentiment qui est dans le cœur. Car des gens peuvent avoir de l'amour et essayer de le cacher envers quelqu'un et lui faire du mal. Et au fond d'eux, ils l'aiment. وَمِمَّا يَدُلُّ لِذَلِكَ إِذْنُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأَسْمَى بِنْتَ أَبِي بَكْرَ الصِّدِّيقِ أَنْ تَصِلَ أُمَّهَا وَهِيَ كَافِرَةٌ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ قِصَّتَهَا سَبَبٌ لِنُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى لا ينهاكم الله عن الذين لا يقاتلوكم في الدين. Et parmi ce qui prouve justement cette conclusion donnée, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à Asma, la fille d'Abu Bakr, al-Siddiq, la sœur de Aïcha, radhiyallahu anha, d'entretenir le lien de parenté avec sa mère alors qu'elle était mécréante. Comme cela fut rapporté dans le hadith muttafaqun alayhi. Et certains ulama ont dit justement cette histoire de Asma, c'est la cause de la descente de la parole d'Allah dans le sens où il dit qu'Allah ne vous interdit pas c'est-à-dire d'être bienfaisant envers ceux qui ne vous ont pas combattu en religion. Al-Mumtahina, verset 8. Naam, et parenthèse, ça c'est un verset qui est mal compris par beaucoup de personnes qui pensent que on doit forcément être montrer de l'affection, de l'amour envers les mécréants. Et ce verset-là est descendu en fait pour les parents, les proches, réalisalika. Et ne pas confondre le fait d'être respectueux dans le sens où tu n'enfreins pas les règles et que tu ne fais pas preuve d'animosité envers les gens, injustement, et le fait de les aimer. Rien n'empêche, lorsqu'on te parle, de ne pas répondre poliment, d'être courtois, sans pour autant montrer de l'affection à la personne. Ne pas confondre, car beaucoup de gens se trompent dans ce verset-là et pensent qu'il faut sourire, montrer de l'amour à la personne, ce genre de choses. Ce n'est pas ça qui est voulu par là. Être bienfaisant n'implique pas forcément de montrer de l'amour. Ne pas confondre les deux points. فهذا هو الجواب عن هذه المسألة والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين